Le serviteur, en réalité, il a deux regards. Un regard avec lequel il observe son âme, sa personne, ses défauts, ses manquements, ses lacunes. Ce regard, il lui ouvre la porte de la peur et de la crainte d'Allah. Quand il se regarde lui-même, il a peur d'Allah, car il voit le mal réuni dans son nefs, comme si c'était la pire des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, plus ta science augmente, plus ta foi augmente, plus ce mépris de nefs augmente chez toi. Et plus ce rabaissement de nefs augmente chez toi. Et plus tu te verras moins que rien. Et si Allah devait châtier une seule des créatures, de ces créatures, ça sera toi. Ça, c'est pas des paroles comme nous, on les répète comme ça. Chez ces hommes de science, chez ces alliés d'Allah, c'est des réalités dans leur cœur. Nous, on les répète. On les lit, on les répète. Mais ce qui compte, c'est que ces sens-là s'installent dans le cœur. Et le moyen que tu arrives à ces degrés-là, c'est de les étudier, de les répéter, de demander à Allah de ses faveurs. Car Allah est capable de toutes choses. Et il faut pas limiter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou les voir loin, ou voir que c'est pas possible que tu arrives. Si tu vois que c'est pas possible que tu arrives à ça, c'est que tu connais pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est le premier regard que doit avoir le serviteur quand il se regarde lui-même. Mais quand il regarde son Seigneur et l'immensité de ses faveurs et de sa générosité et de sa bonté, ça lui ouvre la porte de l'espoir. Et c'est ainsi qu'il arrive à être dans cet équilibre qui est demandé pour le serviteur entre l'espoir et la peur. Quand tu te vois toi-même, tu te dis que tu vas périr à coup sûr. Une nefs comme la tienne, avec autant de défauts, autant de vices, autant de had nefs, de part de ton nefs, tu parles pour la satisfaire, tu te tais pour la satisfaire, tu te lies d'amitié à un tel pour satisfaire cette nefs, et tu fais de lui un ennemi pour la satisfaire également. Tout ce que tu fais, c'est pour elle. Donc ça te donne la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et la crainte de son châtiment. Et tu te vois très proche de son châtiment. Et quand tu regardes l'immensité et la largesse des bienfaits d'Allah et de ses faveurs et de sa générosité, là, ça t'ouvre la porte de l'espoir et tu te dis que tu as des chances que tu te fasses pardonner tes péchés et que tu rentres dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala.